Un mal, chapitre 30. Un dimanche, Warnant et Mathieu quittèrent de bonne heure la ferme. Grigole, le valet d'écurie, les accompagnait. Ils avaient leur plan. Ils marchèrent de compagnie pendant près d'une heure le long de la grande route où Cachapré avait rossé le fils Oyot. Ils allaient d'un pas tranquille, sans se presser, sûrs d'arriver à temps. Mathieu, muet comme à l'ordinaire, l'autre sifflant entre ses dents, Grigole ayant quelquefois à ras des joues un petit rire sans bruit, comme à l'approche d'une bonne partie. Des toits de maison se montrèrent au tournant de la route. « File droit ton chemin à présent, » dit l'aîné des garçons au valet, « et fais comme c'est dit, on se retrouvera à l'église sur le coup de la messe. »« Suffit !» répondit Grigole en clignant de l'œil. « On a été soldats !» Il allongea les jambes et en quelques allègres arpentées, prit sur eux de l'avance. Il le regardait décroître dans la profondeur de la route. Bientôt il arriva aux maisons, longea une haie, s'enfonça sous l'auvent d'un large porche. Ils continuaient à marcher de leurs mêmes pas réguliers. Un sentier s'encaissait entre les talus un peu avant les maisons. Ils prirent le sentier et débouchèrent sur un chemin charretier. Des habitations basses à toit de chaume s'espaçaient sur les bords du pavé et plus loin se rapprochaient, finissaient par former une rue au bout de laquelle s'arrondissait un espace découvert qui était la place commune. Au fond, l'église dressait son clocher en poivrière au milieu d'un cercle de maisons. La cloche tintait. Ils montèrent les trois marches qui conduisaient au parvis. Grigole, lui, pendant ce temps, rôdait dans la cour du fermier Ayot, cherchant à qui parler. Il alla à l'écurie, à l'étable, au cellier, sans trouver personne. Et il cognait aux portes, toussait, appelait, frappait fortement la terre de ses souliers. « Hé, y a donc pas un chrétien dans cette baraque » cria-t-il à la fin, impatienté. Le torse nu d'un homme se montra à la lucarne du grenier, et une voix grommelante demanda de quoi c'était. « T'es sans une miette, crôlé, je te bouterai ça !» répondit Grigole. « C'est que je m'habille, fieu !» dit l'autre, qui passait les emmanchures de sa chemise. « Hardi, eh, dépêche !» Au bout de quelques instants, l'échelle qui menait au grenier craqua, et le crôlé descendit dans la cour en fixant ses bretelles, ses gros cheveux crépus emmêlés de paille. « Y a du neuf !» dit Grigole. « Quoi ? Y a peut-être bien que t'as l'heure, si le cœur t'en dit, on se fichera quelques tapés. » « Affaire de rire un brin, eh, je t'en veux point, tu m'en veux point, me faut bien s'amuser. » Grigole prit un temps de repos et continua mystérieusement. « Motu, ça, hein, les garçons de chez nous, ils vont, comme qui dirait, nettoyer leur affaire avec les garçons de chez vous. Il faut que je leur dise un mot pour leur dire, bout après. » Le crôlé roulait des yeux étonnés. C'était un gaillard lent et paisible, à encolure de bœuf. Sur les instances de Grigole, il finit par appeler les fermiers. « Eh, nos maîtres !» Des bottes cognèrent les dalles du vestibule. Hubert Ayot apparut. Grigole s'avança, fit jouer sa casquette sur sa tête et dit « C'est les fils à Hulotte qui m'envoient. Ils seront deux, Warnant et Mathieu. Ils demandent que vous veniez, deux, pareillement. Ils seront à la messe de 10 heures. Après la messe, ils seront à l'estaminet. En face de l'église jusqu'à midi. Si vous n'étiez point venu, ils seront à vous attendre chez la Buzette au Pot d'Or jusqu'à 2 heures. Après quoi, si vous n'étiez point venu, ils seront à la sortie des Vêpres. Après quoi, si vous n'étiez point venu, ils seront à la sortie sur la Grande Route, à jouer au bouchon jusqu'à 6 heures. Après quoi, ils iront partout. Vous cherchez dans le village pour vous arracher les oreilles. « Et si vous amenez le crôlé, moi, je m'amène. On se racisse. » Il se balançait, scandant les mots de hochement de tête, et quand il eut dit, s'arrêta, attendant la réponse. Hubert haussa les épaules, pâle, les lèvres pincées, et tout à coup eut un éclair. « C'est bon, on se trouvera !» Grigol rejoignit les deux frères à l'église. Il les vit debout, appuyés contre un pilier près du porche, et tous trois causèrent un instant. Puis, comme des gens se retournaient, ils demeurèrent quoi, les mains jointes, dirigeant seulement la tête du côté de la porte, chaque fois qu'une poussée annonçait un nouvel arrivant. Des odeurs de tabac entraient par bouffées, se mêlaient aux senteurs de l'encens lorsque l'enfant de chœur agitait la cassolette. Et constamment, la voix du prêtre était couverte par un brouhaha confus de voix, de pieds glissant sur les dalles, de chaises remuées, de chapelets égrenés par des mains calleuses. Les sonnettes carillonnèrent. Un silence s'établit. L'officiant imposa les mains avec le geste de la bénédiction. Puis toutes les chaises grincèrent à la fois, le piétinement recommença pour ne plus cesser, et se bousculant, les coudes et les épaules emboîtées, d'un large flot qui à la porte s'éparpillait, la foule lentement s'écoula. Les fils Hulotte demeurèrent les derniers sur le parvis, plongeant les yeux dans cette masse humaine en quête des haillots. Des dos ronds sous des sarraux lustrés disparaissaient par la porte des cabarets ou bien longeaient les maisons, se perdaient dans l'éloignement. Ces haillots ne se montraient pas. Ils allèrent au cabaret. Les tables se remplirent autour d'eux. Des parties de piquet s'entamèrent. Des poings abattaient les cartes, bruyamment. Des voix clamaient, on riait, on criait, on jurait, animés par les lampées. Et sérieux tous deux, fumant gravement leurs cigares, ils demeurèrent indifférents à ce tapage. L'heure passa. Les haillots continuaient à ne point paraître. Il était midi. Ils gagnèrent la rue, prirent un sentier qui aboutissait à la grande route, non loin de la ferme des haillots. La porte était large ouverte. Ils affectèrent de se planter sous l'auvent, tournés vers la cour et haussant les épaules en signe de dédain. Et cela encore étant demeuré sans résultat, ils redescendirent au village. Une large omelette au lard fut commandée chez la Buzette au Pot d'Or, et attablés coude contre coude, ils nourrirent fortement leur désir de vengeance. Puis la cloche sonna aux vêpres. Ils allèrent reprendre à l'église la place occupée par eux le matin. Derrière le pilier et debout, leurs casquettes dans les doigts, ils regardaient osciller les nuques, dans le créneau des épaules. Il y eut un tassement, du monde remué à l'extérieur. Ils tournèrent la tête et virent les trois haillots au milieu d'un groupe de jeunes hommes. Enfin, ils se décidaient donc. Une chaleur leur passa dans le sang. À la sortie, ils faillirent se trouver coude à coude. Les haillots marchaient devant. Warnant pressa le pas, bourrant la file de coups d'épaule. Au moment où il allait poser la main sur le bras d'Hubert, un garçon vigoureux s'avança d'un pas, s'interposant entre eux tranquillement. Warnant entrevit une tactique. Les haillots s'étaient mis sous la protection de leurs amis. Ils ne se battraient pas, ou s'ils se battaient, ils se feraient couvrir par du renfort. Quoi ? Un peu plus de colère s'empara des rudes gars. Ils brûlaient de les regarder face à face dans les prunelles. Mais les trois frères s'obstinaient à ne montrer que leur dos. La bande entra au cabaret. Les hulottes s'attablèrent à leur tour. Il se fit un silence parmi les buveurs. Puis on chuchota. Le bruit de la querelle ayant transpiré, les yeux allaient de la table des hulottes à la table des haillots, curieux, tenaces, quelquefois narquois. Hubert alluma un cigare longuement. Il avait les joues blanches et les oreilles rouges. Il regardait brasiller la cendre tout en causant, pour n'avoir pas à subir le choc des prunelles qu'il sentait poser sur lui. Donna, plus résolue, ricanait en dodelinant la tête de leur côté. Un brouillard enveloppait cette partie du cabaret où les pipes et les cigares rougeoyaient, fumés par grosses bouffées. Warnant remuait sur son banc, à bout de sang-froid, essoufflé dans ses joues, cramoisi, en sueur, âpre à cette rixe qui n'aboutissait pas. Des jurons s'étouffaient entre ses dents, entendus toutefois des haillots, et il les accompagnait de coups de poing sur la table, de brusques mouvements d'épaule. Il éclata. « Hubert Haillot, dit-il, « je te crache à la face, comme je crache ici, tiens !» Et il cracha à terre, en effet, avec un mépris violent. Hubert hocha la tête d'une épaule à l'autre et répondit, haussant cette fois jusqu'à lui ses yeux vacillants, « Crache, fieux, ta salive te retombera sur le nez !» Il y eut des rires. Hulotte se leva. « Viens me dire ça à la porte, si t'as du cœur !» Hubert ne bougea pas. « Il me plaît point, fit-il. « Ben, à moi si, il me plaît, je te dis, et je t'appelle vaurien, lâche, triple coyon !» Là-dessus, Warnant franchit l'espace qui le séparait de la table et se rua sur cette face blême qui se balançait. Hubert se dressa à son tour, effaré, tout à coup pris de fureur. Debout, le corps posé sur une jambe, l'autre jambe tendue en avant, il l'attendait, brandissant son verre. « Arrière ! Cria-t-il, ou je te fends la gueule !» Rapide comme la pensée, le jeune hulotte ploya le haut de son corps et la tête en avant comme un bœuf, se lança. Un bruit de verre s'écrasant sur le carreau alla mourir derrière ses talons dans le piétinement des spectateurs. Hubert, bourré d'un choc terrible, avait roulé à deux pas dans le grésil. Une poussée se produisit dans le cabaret. Tout le monde se mit debout. Déjà, Warnant s'était relevé, prêt à fondre sur son adversaire. Des mains le saisirent aux aisselles. Il se sentit enlacé dans des bras. Une rage le prit. Ruant à travers les tibias, ses poings tapant dans le tas à l'aveuglette, il secouait la grappe pendue après lui par saccades. Ses veines tendues se nouaient sur ses tempes, pareilles à des cordes d'arbalète. Et il poussait des « han », roques de colère et d'effort. Les mains lâchèrent prise, le cercle s'élargit. Mais Hubert Ayot arrivait sur lui, balançant une chaise. La chaise tournoya, s'abattit, pas assez vite pour que Warnant parât le coup. Il l'arracha des mains du grand blond, la jeta au loin, puis, bondissant, il saisit Hubert à bras le corps, lui broyant les vertèbres de ses biceps robustes. Hubert râla. Et subitement, un ennemi nouveau passa ses mains au col de Warnant et de toutes ses forces l'étranglant, le ploya, les reins en arrière. C'était Donna. Warnant se renversait, déjà vert, quand son frère Mathieu, à son tour, d'un large coup de poing envoyé dans la nuque de Donna, fit osciller ce dernier comme un arbre déchaussé et qui bat l'air de ses feuilles. Alors, remis sur pied, il poussa droit à l'ennemi, rusant cette fois pour se faire prendre. Hubert le saisit à bras le corps comme il avait été saisi lui-même. Mais au moment où il l'enlevait de terre, les deux mains de Warnant s'abattirent sur son front, lourdes comme le plomb, et ils tombèrent à la renverse ensemble. Il se cognit aux tables, bousculait les chaises, se tordait, étroitement serré. Les crânes sonnaient sur le pavement comme des calebasses. Parmi les gémissements, les cris inarticulés qui sortaient des gorges, et des chocs brusques s'étouffaient dans un roulement sourd, continu. Quelquefois la lutte semblait s'immobiliser, ils se maintenaient si bien emboîtés que tous deux cessaient de bouger. Puis l'étreinte se relâchait, et de nouveau les mains, les bras, les genoux s'en mêlaient, faisant des angulations furieuses à ras du sol. Une férocité mutuelle donnée à cette masse courant débordée, des airs de carnage. Les chemises déchirées laissaient les poitrines à nu, les poignets lacérés, striés d'égratignures, s'engluaient d'une viscosité de sang. Par deux fois, les mâchoires de Hubert avaient happé les joues de Warnant au point d'y laisser leur empreinte, larges et carrées. Warnant, ayant les dents branlantes, ne mordait pas, mais il le tassait sous ses puissants genoux, lui labourait le cou de ses mains fibreuses, le clouait à terre de toute la pesanteur de ses épaules. Et l'autre hurlait, ses dents de pratique réprouvées. Tantôt il lui pointait ses doigts dans les yeux ou bien cherchait à lui broyer les testicules. Mais Warnant, vigoureux et dégourdi, contrecarrait ses manœuvres par des parades à droite. Un coup de tête dans le nez lui fit perdre tout à coup ses avantages. Il se redressa sur les genoux, aveuglé, tous les os de sa face craquant, comme hébété, tandis que Hubert, se dégageant d'une secousse, passait derrière son dos, lui tannait les reins à coups de botte. Warnant, ainsi bourré sauvagement, put enlacer la cuisse de Hubert et le fit basculer par-dessus lui. Pris à l'improviste dans la partie la plus faible de son corps, ses hauts et grêles fumerons, le haillot alla choir de nouveau la tête en avant, vaincu cette fois, et criant merci. Mais Warnant ne prenait plus garde à rien. Il bavait de rage, hurlait, voyait rouge. Bandé comme une bête, il lui cognait la tête contre le carreau, l'insultant à chaque coup. « À toi, capon! Tiens, brigand! Encore chenapan, propre à rien, trembleur, fils de truie !» Et Hubert geignait, suffoqué, l'échine en pièces, ayant dans la cervelle comme un bruit de cloche et appelant du secours constamment sans être entendu. La bagarre était devenue générale dans le cabaret. Sauf quelques anciens qui, dès le premier colletage, avaient prudemment battu en retraite, tout le monde s'en mêlait à présent, qui pour et qui contre. Mathieu, repris par Donna, lui avait lancé au creux de l'estomac un bouc de bélier qu'il avait envoyé bouler dans l'étable, vomissant, en proie à un détraquement horrible. Mais une grêle de poing s'était abattue sur lui au même instant. Les amis des haillots entraient dans la rixe, et de toutes parts circonvenant ce jeune héros, moins aguerri que son aîné à la lutte, le muleté, le pelaudé, lui portait des coups dans les lombes et la poitrine. Mathieu esquivait tant bien que mal. Un gros joufflu ayant tâché de l'enlacer, il lui cassa une dent. Il atteignit un autre dans la nuque. Un troisième reçut un formidable coup droit dans le thorax. Et ceux-là se reculèrent aussitôt, faisant place à d'autres qui se lançaient à leur tour. Il avait l'oreille en sang, sa veste déchiquetée béée, et il continuait à tenir tête, cherchant à gagner le mur pour s'y acculer. Quelqu'un lui passa la jambe brusquement. Il oscilla, tenta un instant de se rattraper à une table, mais les mains le poussaient, il tomba. La rixe alors tourna au massacre. Le parti des haillots, en masse dense, se rua. La chair claquait sous les tapés, comme de la viande fraîche sur le billot du boucher. Toujours des poings s'abattaient, des talons à la volée fracassaient les reins. Un piétinement sourd faisait trépider les solives à travers des bousculades de table. Par moments, quelqu'un beuglait, un cri de rage, de douleur, pareil à un cri d'animal. D'entre les dents serrées sortaient des injures furieuses, mais cela se perdait dans l'incessante rumeur confuse de la lutte. L'hôte, consterné, courait après les verres, en sauvait un ça et là, à la hâte, bien que la plupart gisaient à terre, émiettés, faisant sur les carreaux rouges un poudroiement blanc. Il se lamentait en homme paisible, trop âgé pour participer à la querelle, et de temps en temps clamait, criant miséricorde pour lui et les autres. Le garde champêtre avait été mandé, mais il tardait, peut-être ne l'avait-on pas trouvé au logis, et en effet, l'envoyé rentra, disant que le garde, profitant de son dimanche, était allé inspecter une coupe de bois à une lieue du village. À moi, Warnant ! Gémit Mathieu. La meute le démolissait. Une vapeur lui brouillait les yeux. Ses bras ne pouvaient plus parer les coups. Il était à bout de souffle. Son appel sonna aux oreilles de Warnant comme un bruit de clairon. Adobé sur le grand Hubert, il avait oublié son frère. Brusquement, il se retourna vers l'endroit d'où était parti le cri. Vit Mathieu piétiné par cette bande féroce, se dressa grondant. « Hardi, tiens bon !» Une chaise se trouvait là. À deux mains, comme le bûcheron jette la hache, il la battit sur des dos, des crânes, des hanches, au hasard du tas. Six fois il recommença, sans leur laisser le temps de se reconnaître. Au sixième coup, la chaise se brisa. Il n'en resta plus qu'un tronçon, avec lequel il frappait en tous sens. Le sang jaillissait des faces. Il avait à demi rompu la clavicule à l'un, un autre avait la mâchoire démantibulée. Tous s'écrasant, se bousculant, s'aplatissant, s'efforçaient de se garer, les épaules en boule et les coudes relevés. Et maniant son arme de toute la force de son bras, il continuait à la faire voler sur cette chair tuméfiée et fumante. Ce fut la fin de la lutte. Les deux haillots n'avaient même pas attendu jusque-là pour se mettre en garde contre un retour des vainqueurs. Les habits lacérés, ayant du sang au visage et aux mains, ils avaient battu en retraite du côté de la rue. Des gens les arrêtaient au passage, s'apitoyaient. « Hein ? Comme ils étaient faits ! Leur peau avait des rougeurs de lièvre écorchées. On n'avait pas eu égard à leurs beaux linges, à leurs habits neufs. » Les femmes surtout s'exclamaient, en joignant les mains. Ils donnaient des explications alors. C'étaient ces canailles de hulottes venues en tempête les provoquer au cabaret, où ils vidaient des chopes paisiblement. Même, Ils avaient tiré leurs couteaux, tandis que, désarmés, s'étaient défendus avec leurs mains. De là l'inégalité de la lutte. Mais on les repincerait, ils auraient leur compte. C'était un scandale pour tout le village qu'on ne les eût pas chassés du cabaret. Le monde s'ameutant, ils cherchaient à exploiter les sentiments de la foule. Les hommes hochaient la tête, les écoutant dégoiser sans bouger. Voyant qu'il ne leur restait que la commisération des femmes et le silence stupide des gamins plantés devant eux, ils détalèrent. La rixe terminée, les curieux affluaient maintenant dans le cabaret, entouraient les hulottes pressées de questions et qu'une lassitude rendait faible et tremblant après ce combat violent. Ils filèrent sous bois à grandes enjambées, puis s'assirent près d'un ruisseau qui serpentait sous les taillis. Et, bien sûr qu'on ne viendrait pas les inquiéter là, ils se baignèrent la tête et les bras au courant de l'eau.